On va parler des bilans de l'année des Aigles de Roberval avec Simon Gaudreau. Simon qui, évidemment, ça faisait longtemps qu'on devait se parler, mais finalement, ça fait bien parce que je pense qu'il y a une grosse activité en fin de semaine. Salut, Simon! Salut Danny. Simon, oui, il y a une grosse activité en fin de semaine, je pense, hein? Ben ouais, c'est les championnats provinciaux là, de hockey scolaire, là, autant du côté du Division 1 que du Division 2. Là. Division 1 était Ouais. à Alma, Division 2 était à Québec. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a manqué notre entrevue. Là. J'étais allé voir des matchs là, à Alma, étant donné que les championnats étaient chez nous en région. Donc je pense que c'est important là, d'aller faire son tour là-bas puis d'aller voir les joueurs, d'aller voir les équipes, d'aller voir les gens qui s'occupent de ces équipes-là. Ok, dis-moi, mais il n'y avait pas une porte ouverte, quelque chose de même, où tu t'accueillais, ou c'était en fin de semaine, c'est bientôt, là. Ben là, c'est notre camp d'entraînement pour l'an prochain. C'est le camp Ouais. d'entraînement, les prochains aigles. On a commencé hier, justement. On a reçu des petits Benjamins. On était une quarantaine là, à fouler la glace là, du centre Benoît-Lévesque hier pour la première pratique du pré-camp. Comment vous Puis étiez? ce soir, on reçoit les cadets. On était une quarantaine hier, là. Puis c'est la même chose ce soir, on va être une quarantaine là, au niveau du cadet. Ok, c'est pas mal le même nombre que l'année passée, hein? Non, c'est beaucoup plus. Beaucoup Beaucoup plus, plus. En ok. passant, on était environ 20-20 dans chaque catégorie. Au niveau de chaque catégorie. Et puis là, je dirais que ça a doublé. Ok. Dis-moi, si on qualifie la première année de l'an, comment tu la vois? Ben, je trouve que c'est une année qui est extrêmement positive. T'sais, c'est au-delà des attentes. Je veux pas jamais je parle de résultats ou quoi que ce soit. Le but, c'était vraiment de faire progresser nos jeunes, vraiment d'essayer de leur montrer c'était quoi comment on voyait comment un programme scolaire s'était construit de la façon qu'on l'avait conçu aussi avec l'école. De prendre soin des jeunes. C'est une prise en charge complète. Hein. Les parents peuvent nous les envoient toute la fin de semaine. S'il faut, ils sont logés, nourris, on les amène en autobus, on les ramène. T'sais. Les parents n'étaient pas obligés d'être toujours au match. Donc, c'est vraiment tout inclus. Il n'y avait plus de pratique le soir aussi. Donc, t'sais, tout était fait dans le jour. Il y avait un encadrement de première qualité niveau professionnel, là, la façon qu'on traitait nos jeunes. Donc, tous les outils étaient là. Puis, le but, c'était de faire connaître ce produit-là, de faire cheminer nos petits joueurs là-dedans, puis qui deviennent des équipes. Puis au fur et à mesure que l'année a avancé, ben, ils sont devenus des équipes, puis ils ont eu des beaux résultats, puis ils ont vécu chacun à leur moment des succès. Même s'ils n'ont pas remporté le championnat au final, ils sont tout le temps allés chercher une belle prestation quelque part dans la saison qui a été très positive, là. On est très content de ça. Ok, si on parlait un peu du côté, parce que moi je me rappelle en fait les premières entrevues, c'était difficile. Tu disais que les gars n'étaient pas habitués, tu sais, les gars de bien s'acclimater à du hockey scolaire, parce que c'est une autre. La plupart venaient du civil, donc ils connaissaient pas tout ça. Dans le fond, ça s'est bien replacé de ce côté-là aussi, Ben oui, mais tu sais, comme je te dis, c'est un là. apprentissage au fur et à mesure. Tu sais, comme tu dis dans les entrevues, on pouvait voir, tu sais, il y avait certains moments de fatigue, tu sais, on allait jouer des matchs parfois à Québec, tu sais, Ouais. c'est pas tout le temps facile. Les premières fois que tu sors là, en autobus, un, t'es impressionné, deux, t'arrives dans un aréna que t'es jamais allé. Donc, tu sais, c'est tous des petits apprentissages. Puis nos petits Benjamins qui vont arriver l'an prochain lors de leur premier voyage. Je vais peut-être te dire le même discours là, au mois de novembre prochain, là, t'sais, mais quand ils vont avoir grandi, les cadets qui vont avoir vécu dans les mêmes arénas, qui vont avoir déjà vécu les voyages d'autobus, qui vont avoir déjà vécu la routine de s'en venir à l'école le matin, de repartir le soir, tout ça qui vont savoir acclimater là-dedans, c'est des choses qu'ils vont avoir appris, puis ça va faire partie de leur bagage sur le long terme. Puis c'est de là qu'on va devenir de plus en plus compétitif aussi sur ce côté-là. Puis c'est tout le langage hockey que à l'interne ici on utilisait, c'était pas Ouais. c'était un petit peu différent, l'approche était différente, donc là eux ils me connaissent plus, ils connaissent les entraîneurs davantage, donc tu sais déjà là on part avec une petite longueur d'avance, ce qu'on n'avait pas l'an dernier, puis année après année, ben c'est sûr que ça, un jour les jeunes vont nous connaître par cœur, puis le jour où ils vont nous connaître par cœur, on va être capable de s'adapter comme ça, ben c'est de là qu'on va devenir meilleur en meilleur, sans parler de championnat ou quoi. Rendement sur la glace, satisfait aussi? Oui, honnêtement, ça, je pense que j'avais pas des attentes. Ouais. J'avais pas, on n'avait pas d'attente. Tu sais, tu m'en parlais au début, j'avais aucune attente. Je voulais pas parler de résultats parce que ça aurait pu être. Il y a des organisations à leur première année qui ont vécu des pires années qu'on a vécues. On s'est tenu dans la moyenne. On est dans la moyenne. On va voir le classement POC de nos équipes. Là, on est toutes dans le milieu, dans un milieu de peloton dans une première année. On peut regarder des équipes que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue, qui sont derrière nous, si on parle de statistiques, mais je veux pas jouer à ça parce que les divisions sont différentes, hein. Donc, Ouais. une équipe dans une autre division dans le secteur de Montréal pourrait avoir peut-être une meilleure fiche ou nous l'inverse. Donc, c'est pas, tu sais, le calendrier est pas fait équitablement, il est plus fait par division pour limiter le voyagement aussi, là. Ouais. Donc, mais tu sais, on est très satisfait, puis c'est au-delà des attentes de notre côté, là. OK. Si on parlait un peu de ce que tu prévois l'an prochain, est-ce que j'imagine que là, il va y avoir. Y a-t-il une équipe des trois qui devrait être encore plus compétitive ou encore c'est un jeune groupe? Comment tu vois ça l'an prochain déjà, là? Ben, c'est embêtant par rapport à nos camps. Tu sais, là, présentement, là, si on parle de notre juvénile, on fait pas de pré-camp, étant donné que, tu Ouais. sais, il y a des jeunes qui sont dans des camps, il y a des jeunes qui vont aller dans des camps juniors majeurs, il y a des jeunes qui vont dans des camps midget 3, il y a des jeunes qui vont dans des camps midget espoir, puis il y en a d'autres qui s'en vont dans la division 1, donc, en juvénile division 1, donc, tu sais, on va peut-être avoir des retranchements, ils vont peut-être être gardés, donc, on attend au mois d'août pour ça. Mais en majorité, nos juvéniles qui ont quand même eu une très bonne saison reviennent pour l'an prochain, sauf les finissants, bien sûr. Donc, je m'attends à quand même une bonne saison de leur côté, là. Ça devrait être très bien. Les cadets, ben là, eux, tout dépendant de comment ça va aller lors du camp de sélection, je pense qu'on risque d'avoir une bonne équipe aussi. Je pense qu'on va être autant compétitif, sinon plus, qu'à l'an passé. Puis juste par rapport au nombre de joueurs au camp, la sélection est plus grande. Donc, quand tu as un petit peu plus de choix, des fois, Ben oui. ça peut te permettre de. Mais tu sais, en même temps, je veux pas pointer une équipe du doigt là-dessus. Là, tu sais, on va le voir plus l'an prochain. Je pense plus de profondeur un petit peu. Ça va être une équipe. Je les ai pas vus beaucoup, mais de ce que j'ai vu, il va y avoir un petit peu de tout avec un petit peu plus de. J'aurais tendance à dire un petit peu plus de profondeur de leur côté, mais par rapport à donner exactement leur fiche, quoi que ce soit, je peux pas te dire. OK. Dis-moi, il y a une nouvelle quand même. Vous commencez, tu sais, c'était la première année, il y a eu des équipes à Roberval. Les matchs avaient lieu à Roberval. Mais là, l'an prochain, il pourrait y avoir des matchs à Dolbeau. Tu me confirmes ça off the record. Évidemment, là, on est déjà en train de céduler l'an prochain. J'imagine que Paul Morel est toute l'équipe pour l'Arena. Tu me confirmes que ça travaille pour avoir quelques matchs à Dolbeau? Ben, c'est sûr qu'on va regarder. Je vais faire des approches là, avec les personnes de Ah, il n'y a chaque pas d'approche de usine. fait officiellement encore, Non, ben, parce que la date là, pour qu'on aille faire les calendriers, là, normalement, c'est à la fin mai. Okay? là. OK. Puis, on n'a pas encore eu de date officielle. J'attendais la date officielle. C'est la même affaire avec la ville de Roberval. Je n'ai pas encore parlé avec Carole là, de ce dossier-là, mais les approches vont être faites là, tout de suite après la semaine de camp. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais faire les approches. Je vais regarder s'il y a des heures, des dates de disponibles, où est-ce qu'on pourrait aller jouer dans les différents secteurs, là, Lac-Saint-Jean-d'Or, Dolbeau, Normandin, même chose pour Saint-Félicien, quoi que ce soit, de ce côté-là, pour pouvoir justement, pour que les jeunes, peu importe leur provenance, puissent jouer devant parents, amis et famille, là. Montrez votre produit aussi, c'est important. Exactement. Ouais, c'est Oui, un mon. produit commission scolaire, c'est pas un produit de Roberval, c'est vraiment Non. toute la commission scolaire Pays des Bleuets, donc on trouve Oui. ça important de se déplacer. OK. Est-ce que les entraîneurs reviennent tous l'an prochain? Ben, présentement, là, on est en train de. Je suis en train de faire toutes les rencontres individuelles avec les entraîneurs, savoir. Si leur saison, ça a bien été, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, les recommandations, les trucs qu'on doit travailler à l'interne. On va se regrouper aussi en tant qu'entraîneur, groupe d'entraîneurs, pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour le programme aussi. Est-ce qu'on va faire des remaniements d'entraîneurs par catégorie? Est-ce que tous les entraîneurs vont venir? Ben là, ça va être à la suite de ces rencontres-là qu'on est capable de se fixer, mais c'est sûr qu'on va présenter nos staffs seulement au mois d'août prochain. OK. Simon, gros merci pour ta collaboration tout au long de la saison. C'était fort agréable. Toujours le jeudi, c'était toujours quelque chose d'apprécié. On fait ça le mardi parce que le bilan, ça faisait un bout de temps que ça traînait. Fait que j'ai dit, on va régler ça une fois pour toutes. Merci de ta collaboration tout au long de la saison. Puis s'il y a de quoi, gêne-toi pas. On est là pour ça à DanRadioSport.com pour donner la visibilité aux organismes et aux équipes de hockey et aux organismes sportifs qui sont boudés un peu par les autres médias. Un gros merci à toi, Danny. Là, toutes les semaines, là, tu me faisais le pont. Là, donc, je te remercie. Continue ton bon travail. Puis, aussitôt qu'on a des nouvelles par rapport au calendrier, on a fait une demande pour un challenge là, de division 2. Okay. 33 équipes qui pourraient s'en venir là, partout sur le territoire ici, là, parce que 33 équipes, on s'entend que ça prendrait plus qu'une aréna pour l'accueillir. Donc, on est en attente de ça. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir des réponses de tout ça, on va te faire signe. On va avoir un tournoi de golf aussi, le tournoi des aigles, dans le week-end golf à Saint-Prime. Donc, on va se reparler de ça, c'est sûr et certain. Donc, nous, la saison morte, là, c'est une saison dans laquelle on veut travailler encore. Hein. On veut continuer de consolider notre programme. Puis tout ça, on le fait pour les jeunes. Donc, c'est sûr qu'on va se reparler bientôt. Ben, écoute, week-end golf, je trouve c'est une bonne idée, ça. Tu sais, un tournoi de golf pour les aigles de Robertval. Exact, c'est ça qu'on... Très bonne on idée. On travaille, on a une réunion encore tantôt par rapport à ça. Bon. Simon, gêne-toi pas. Dès qu'on a quelque chose, on est là pour ça. Ça marche, merci. Des aigles de Robertval, Simon Gaulle.